Togo, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le Premier ministre burundais autorise aux coopératives d'extraction minière la reprise de leurs activités à partir du 17 juillet prochain. Au cours d'une réunion à Kayanza avec divers intervenants dans ce secteur, Gervain Dirakoucha a annoncé une série de mesures prises. Notre correspondant sera en ligne pour les détails. Et la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, estime que la mise à la retraite de certains fonctionnaires du secteur de la santé et de l'éducation est précipitée et s'appelle tout simplement licenciement abusif. Pour Célestin Savimana, président de la Kosibu, l'autorité aurait dû consulter d'autres conventions existantes. Explication à suivre dans ce journal. Et en politique, vous suivrez l'analyse du journaliste senior Jérôme Niyonzima sur l'état de démocratisation au sein des partis politiques au Burundi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les coopératives d'extraction minière au Burundi vont bientôt signer un acte d'engagement régissant ce secteur et ne sont plus autorisées à ouvrir des coopératives similaires dans d'autres provinces. En plus, la vente de l'or se fera entre les coopératives et la Banque centrale sans qu'il y ait d'intermédiaire. Cette série de mesures ont été arrêtées à l'issue d'une réunion par le Premier ministre burundais Gervain Dirakoucha ce jeudi à Kayanza avec tous les intervenants dans ce secteur. En ligne de Kayanza, correspondance de Patrick Nsengiyumva. Le premier ministre du gouvernement burundais, Gervain Dirakoucha, fait savoir qu'il a tenu beaucoup de réunions avec les représentants des coopératives des orpailleurs au Burundi, mais que les clauses de ces réunions n'ont pas été respectées. Dans cet ordre d'idées, cette autorité burundaise a tenu une réunion d'évaluation au référé à Kayanza ce jeudi, à l'endroit de tous les intervenants dans ce secteur, pour revoir les contrats d'extraction. Parmi les nouvelles lois qui vont bientôt régir le secteur minier au Burundi, figure le sérieux Gervain Dirakoucha, le fait que désormais chaque coopérative doit signer un acte d'engagement qui sera conçu par l'Office burundais des mines. Le Premier ministre du Burundi fait savoir également qu'aucune coopérative d'extraction minière n'aura plus d'autres coopératives dans d'autres provinces. Gervain Dirakoucha indique aussi que la vente de l'or à la Banque centrale ne nécessitera plus un intermédiaire entre la banque et les coopératives d'extraction. Une période de 10 jours seulement a été accordée à l'Office burundais des mines pour mettre en application ces nouvelles lois régissant le secteur de l'orpaillage. Gervain Dirakoucha met en garde pourtant les chargés des opérations au sein de l'OBM que ceux qui exerceront mal cette tâche se verront punis sévèrement. Vous saurez que ces mesures sont prises après que le Parlement burundais avait approuvé le projet de loi portant révision du code des miniers. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. La Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, considère la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État ayant atteint l'âge de 60 ans comme un licenciement abusif, faisant référence au secteur de la santé. Compte tenu de la circulaire du Premier ministre, le président de cette confédération estime que les procédures doivent être suivies et les textes y relatifs respectés. Célestin Savimana appelle le Comité national de dialogue à amorcer des consultations afin d'éviter tout impact négatif sur le travail et la fonction publique. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Moi, j'ai pu prendre connaissance de ce circulaire, mais oui, d'être fonctionnaire, voire à la retraite. Mais il faut suivre les procédures et respecter les textes en la matière. Pour le cas présent, les fonctionnaires du secteur de l'enseignement, les fonctionnaires du secteur de la santé qui ont été mis à la retraite, ils ont été mis à la retraite d'une façon flagrante. Et au niveau syndical, nous considérons ça comme un licenciement abusif. Alors, comment se fait-il qu'on vous écrit une correspondance le 29 juin pour vous dire que vous partez le 30 juin? Ça n'existe nulle part au monde. Alors, revenons du côté législatif. Le secteur, donc le secteur de la santé et le secteur de l'enseignement, de l'éducation, les représentants syndicaux de ces secteurs, ainsi que le gouvernement, ont conclu des accords qui ont été matérialisés par des conventions collectives sectorielles. Dans les prescrits de ces conventions, notamment ce qui concerne le départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite a été fixé à 65 ans. Et puis ces conventions ont même passé au Conseil des ministres et puis au Parlement. Donc, c'est une loi. Alors, peut-être le circulaire de M. le Premier ministre s'appuie sur le nouveau statut général des fonctionnaires qui a été promulgué, dont certains articles violent les conventions qui ont été conclues, notamment en matière de retraite, d'âge de départ à la retraite. Revenons même à ces textes comme le statut général des fonctionnaires. Pour partir à la retraite, il faut que le fonctionnaire soit préalablement averti 6 mois à l'avance. Pour ceux qui sont régis aussi par le code du travail, il faut une année avant pour le départ à la retraite pour qu'on soit averti. Alors, et vous voyez la correspondance actuelle des ministres du secteur, notamment au niveau de la santé. Écrit une correspondance le 29, donc aujourd'hui, il y a la correspondance aujourd'hui. Par exemple, j'ai dit, vous devez partir demain vendredi. Donc ça, c'est une violation flagrante de la loi. Nous considérons que c'est un licenciement abusif et c'est pourquoi nous avons demandé un dialogue social là-dessus pour que ces fonctionnaires soient rétablis dans les droits d'une manière ou d'une autre. Célestin Savimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, et Kosibu. Le Burundi va bientôt s'intégrer dans le programme d'électromobilité. Le secrétaire permanent au sein du ministère chargé du transport l'a annoncé ce jeudi dans un atelier de sensibilisation des décideurs sur les avantages de la mobilité électrique. Dr Faïdat Catherine indique que ce projet, qui est très avancé, apportera des avantages comme la protection de l'environnement, la réduction sensible des dépenses comparativement à l'utilisation du carburant. Suivez-la. Le projet d'appui à la transition vers la mobilité électrique au Burundi a comme objectif global de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier urbain et faciliter la transition vers une mobilité urbaine durable des passagers au Burundi en mettant l'accent sur l'électrification du transport et permettra au gouvernement du Burundi de développer et mettre en place un cadre institutionnel et adopter une stratégie pour la promotion de la mobilité électrique bas carbone, adopter des réglementations, des normes techniques, des politiques fiscales et autres, et d'approuver des plans de financement pour accélérer l'introduction des véhicules électriques au Burundi, mettre en place des réglementations de gestion des véhicules électriques et des batteries en fin de leur vie, et d'approuver les recommandations sur l'intégration des énergies renouvelables pour soutenir la durabilité environnementale à long terme de la mobilité électrique au Burundi, appuyer les entreprises de transport en commun, tant publiques que privées, pour l'introduction des véhicules électriques, installer des stations de recharge pour les véhicules électriques le long des infrastructures de transport routier, etc. Face aux enjeux climatiques, la mobilité électrique est une solution incontournable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi atteindre la neutralité du carbone d'ici 2025, conformément à l'accord de Paris et aux engagements du Burundi pour le changement climatique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les partis politiques au Burundi manquent pour la plupart de culture du dialogue, ce qui cause souvent des dissensions en leur sein. Analyse d'un journaliste senior s'intéressant à la politique. Jérôme Nyonzima explique que le phénomène prend de l'ampleur avec la méconnaissance par bon nombre de leaders du sens de la démocratie importée d'Occident. Il indique que le militantisme de certains n'est simplement motivé que par la recherche des postes politiques. Suivez Jérôme Nyonzima au micro d'Alain Désiré Boukéenet. Ce que nous concevons comme parti politique au Burundi, ça diffère beaucoup de l'entendement qu'avait l'initiateur européen ou blanc quand il a conçu cette notion de démocratie politique. Ici chez nous, est-ce qu'il y a une démocratie interne au sein des partis politiques? Moi, je dirais non. Je dirais non pourquoi? Parce que les gens pensent que créer une formation politique, c'est se créer un poste, c'est se créer du travail. C'est se créer une survie. Les gens n'ont pas d'idéologie en fait. Les gens peuvent dire notre formation politique, c'est mon parti. Et quand les gens disent c'est mon parti, vous vous souviendrez des partis politiques qu'on a dit, le CNDD de Nyangoma, l'FNL de Ouassa, les gens où ils ont tendance à confondre la formation politique et la personne qui a initié le peut-être la première idée. Les leaders ou les partisans, de façon générale, ont-ils la culture de dialogue? Regardez quand les élections approchent, quand on commence à imaginer qu'il faut peut-être aligner les gens sur des listes électorales, c'est là où vous allez comprendre que vous allez trouver la personne qui a dirigé le parti depuis sa création. Il va diriger ça même après 10 ans, 15 ans. Et s'il faut changer, il préfère changer les textes. Et vous trouvez que même les femmes se lamentent. Donc c'est un problème de démocratie interne. Jérôme Nyonzima, journaliste senior. Et à la suite de nos informations relatives à la démocratie au sein des partis politiques, il nous a semblé intéressant de revisiter la loi relative à ces partis. En effet, les dispositions de ce texte prévoient que les partis politiques ont le droit de participer à la vie politique par des voies pacifiques. Cette loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf en cas de restrictions nécessaires. Le compte-rendu de lecture avec De Horeb Ingabire dans ce reportage. Dans cette loi du 10 septembre 2011 régissant les partis politiques, dès l'article 2 de cette loi, il est stipulé qu'un parti politique est une association sans but lucratif dotée de la personnalité civile et regroupe des citoyens autour d'un projet de société démocratique fondé sur l'unité nationale avec un programme politique distinct aux objectifs précis dictés par le souci de servir l'intérêt général et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens. Il ressort de l'article 3 que les partis politiques et le cas échéant les coalitions de partis politiques concourent à la formation civique et à la libre expression du suffrage. Ils participent à la vie politique du pays par des moyens pacifiques. Cela équivaut à avoir la faculté d'agir en toute démocratie et de contribuer à la vie politique du pays. La notion de démocratie au sein d'un parti politique transparaît également dans l'article 10 où il est stipulé que la loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine basée notamment sur l'apparence ethnique, la région ou la religion ainsi qu'au maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs. Pour ce qui est du régime des sanctions, l'article 62 stipule que sans préjudice d'autres mesures administratives, en cas de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à la sûreté de l'État du fait d'un parti politique, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions peut prendre la mesure immédiatement exécutoire de suspension de toutes les activités du parti politique concerné et ordonner la fermeture de ses locaux. La mesure de suspension et de fermeture des locaux ne peut excéder 6 mois. La décision de suspension et de fermeture de locaux est motivée et doit en indiquer la durée. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du parti concerné et au ministère public. Le chapitre 6 qui traite du règlement des litiges internes et de la dissolution des partis politiques prévoit en son article 70 qu'en cas de divergence d'interprétation des statuts d'un parti politique, de litige ou de dissension quelconque, le membre s'estimant lésé saisit la chambre administrative de la Cour suprême. Ingabire de Horeb, stagiaire à notre station. Le Burundi ne va pas perdre de place sur le classement concernant les droits de l'homme. Propos tenu par le ministre des Affaires étrangères après le boycott par la délégation du Burundi de la réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le ministre Albert Shingiro l'a déclaré ce jeudi après une réunion qu'il a tenue avec les diplomates accrédités à Bujumbura. On l'écoute. Non, si vous parlez de perdre le classement concernant les droits de l'homme, ça n'a rien à voir avec cela. Nous, ce que nous n'avons pas voulu, c'est de s'asseoir avec des putschistes. Ce n'était pas vraiment possible. Je vais te donner un exemple. Si un individu entre chez toi et qu'il fait du mal à ton enfant et qu'il se réfugie chez ton voisin, est-ce que tu accepterais de t'asseoir avec lui? Tu le ferais en paix. C'est pas possible. Ce putschiste devrait venir et accepter de se faire juger pour qu'après cela, ils puissent vivre en paix avec leur famille. Le ministre Albert Shingiro et le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique menacent les responsables de l'administration qui apposent leur signature sur les contrats d'achat des propriétés foncières pour les étrangers. Lors d'une descente ce lundi dans la commune Rusiga de la province Ngozi, accompagné par d'autres ministres, y compris celui de la justice, le ministre Martin Iteretse a expliqué que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter une propriété foncière, ajoutant que ce qui est possible, c'est l'emprunt pour exploitation. Suivez-le, il est traduit par Moïse Misago. Que nous tous, nous suivions la richesse du pays. Ce qui doit être minutieusement fait, les étrangers qui sont en train d'acheter les propriétés au Burundi, on signe et eux, ils partent. Les administratifs, gare à vous. Quand ils achèteront tout le pays, où est-ce que vous amènerez le peuple burundais? Avez-vous un autre pays comme le Burundi que vous leur donnerez? Si on amènerait 2 millions de dollars et que chacun vende, moi je vends à Kayanza, l'autre à Kirundo et l'autre à Makamba, et après, où est-ce qu'on va aller? Dites-moi. Après avoir tout vendu, chacun va faire la clôture et vous mettez des bornes. Les administratifs qui signent ces documents, qu'on entende plus cela. Sinon, je vous le dis, il y aura des sérieux problèmes. Allez demander chez eux comment se fait. Ils peuvent te prêter ou cultiver, mais après la récolte, tu pars. Ou bien, si tu as de l'argent, on te montre où ériger une industrie. Mais nous, on signe à l'aveuglette. C'est très important. Allez-y, pensez-y. S'ils amènent leur argent et qu'on vende tout, quel est l'autre Burundi qu'on aura? Les administratifs, ressaisissez-vous. Dans les années à venir, que deviendra notre pays? Quel sera le sort de nos enfants alors qu'on aura vendu le pays? Et pour terminer ce journal, plus de 380 réfugiés burundais vivant en République démocratique du Congo ont été rapatriés ce jeudi 6 juillet par la Commission nationale pour les réfugiés en collaboration avec l'OACR. Ils sont rentrés par le poste frontalier de Kavimvira donnant sur Gatumba au Burundi. Il en reste plus de 30 000 dans les camps pour réfugiés de ce voisin de l'Ouest. Correspondance de Jérémy Kouhima depuis Uvira. L'officier de rapatriement à la CNR Uvira, M. Freddy Salumu, a fait savoir que ce groupe totalise 1000 personnes déjà rapatriées depuis le début de l'année et 5000 autres sont sur la liste d'attente avant la fin de cette année sur les 34 000 que compte encore le sol congolais en termes de réfugiés burundais. Ils sont les uns en territoire de Fizi, mais d'autres en pleine ville d'Uvira comme réfugiés urbains. 383 Burundais qui ont accepté d'être rapatriés dans le pays d'origine, 119 ménages. La route, vous êtes sans ignorer l'état de la route vous-même. C'est une histoire qu'on ne peut pas parler. Nous sommes en train d'attendre toujours au jour le jour. Ils ont quitté Baraka Lucinda hier. Et ils ont vers 15h, 16h étaient à Uvira. Ils ne peuvent pas partir directement aussi longtemps qu'ils ne passent pas sur le screening médical et voir le état auquel ils se présentent. La situation est toujours dans tous les camps du monde. Vous pensez comme vous êtes venus chez vous, ce serait la même façon que vous allez vivre ailleurs. C'est-à-dire quoi? On les assiste, ce n'est pas synonyme de s'impliquer dans leur vie. Ils ont les CBT, ils les reçoivent à manger, ils ont les machins là. C'est à eux-mêmes de gérer les petits moyens qui les reçoivent. Les réfugiés, pour leur part, ils ont dit toute leur satisfaction de rentrer au pays natal où ils ont appris que la paix est en train de revenir. Ils remercient les Congolais pour leur hospitalité. Depuis Uvira, Jérémy Kouima pour Radio-Télévision Isanganiro. Et c'est sur cette correspondance que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.